We'll be right back. fait reprendre. Pieds sur terre. We'll be right back. Thank you. dormais. Je ne voyais plus. Ma réalité. Je rêvais. Thank you.